La polarisation médiatique, voilà le thème qui va être abordé dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je l'ai choisi parce que je trouve que les propos qui sont présentés dans les médias de masse sont de plus en plus polarisés et que le phénomène s'amplifie au cours des semaines et des mois. Donc, polarisé dans le sens qu'il y a une volonté que je vois à travers plusieurs chroniqueurs vedettes de grands médias de discréditer systématiquement, là, d'humilier, de tourner en dérision tous les gens qui ne vont pas dans le sens du narratif officiel là, par rapport à la crise sanitaire. Et j'ai l'impression de voir une amplification du phénomène au fil des semaines. Et récemment, j'écoutais un enregistrement de Berthold que j'ai interviewé à plusieurs reprises sur ma chaîne de YouTube. Et sur sa chaîne YouTube, il faisait un commentaire en lien avec une chronique qu'a fait Denise Bombardier dans le journal de Montréal. Denise Bombardier, qui est une figure médiatique québécoise qui est présente depuis plusieurs années dans les médias québécois. C'est une femme qui est quand même très articulée, qui a beaucoup de vocabulaire. Et elle a fait une chronique récemment. Et j'ai décidé moi aussi de commenter cette chronique qu'elle a faite là, suite. C'est en réaction à la manifestation qui a eu cours le 14 août à 14h à Montréal. Donc, plusieurs personnes ont défilé dans des rues de Montréal en opposition au l'imposition, en fait, en opposition, devrais-je dire, à l'imposition du passeport sanitaire qui est prévu pour bientôt, 1er septembre, au Québec. Et vous allez voir quels mots qu'elle utilise, quel vocabulaire pour, à quelque part, diaboliser les gens qui ont manifesté, là. Donc, une volonté très ferme à travers son opinion de discréditer là, tout le mouvement. Donc, je vais faire la lecture de l'article et je vais commenter à mesure. Ils sont déterminés, aveuglés, et la rue les attire. Les croisés anti-vaccins, anti-passeport vaccinal se croient les sauveurs de la liberté, la leur, bien sûr, leur corps leur appartient, crie-t-il haut et fort. Donc, Lowell, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est des gens qui sont aveuglés, déterminés. C'est un peu comme des fanatiques, hein, comme des croisés, comme dans le temps de la religion au Moyen-Âge. Il y avait des fanatiques religieux qui, dans le fond, ont mené des croisades, entre autres, et qui voulaient imposer la religion, l'implanter dans différentes régions du monde. Donc, elle les compare à eux autres. Et moi, ce que j'aurais envie de lui dire, ben vous êtes pas aveuglé, vous êtes pas déterminé, parce que c'est sûr que c'est possible qu'elle fasse aussi de la projection sur les autres. Donc, parce qu'elle me semble, à travers son article, puis vous allez voir pour la suite des choses, elle est extrêmement déterminée, puis aveuglée dans le sens d'avoir une vision très péjorative et néfaste, négative là, des gens qui s'opposent là, à l'obligation du passeport vaccinal. Donc, vous allez pouvoir évaluer par vous-même. Donc, je poursuis. La majorité québécoise est censée s'incliner devant ces combattants ignares. Donc, elle veut dire ignorant, j'imagine, qui affiche l'étoile jaune sur leur poitrine, dégageant ainsi l'odeur nauséabonde de l'antisémitisme. Bon, ça se peut qu'il y ait eu des gens qui avaient l'étoile jaune, donc qui ont défilé dans les rues. Quelques jours au préalable, il y avait eu la manifestation là, avec François là, Amalga. Qui a eu cours dans la ville de Québec, là, par rapport, il y avait un endroit que ça s'appelle La Cage, qui était un lieu où les propriétaires ont participé à une étude exploratoire, donc une étude pilote par rapport à l'implantation du passeport vaccinal en restaurant. Donc, il y a eu des gens là, qui se sont présentés là, en grand nombre, là, avec des étoiles jaunes. Et eux autres, ils ont entouré la bâtisse et ils s'opposaient naturellement là, à ce qu'il y ait une discrimination, non pas sur la base de la religion, mais sur la base du statut vaccinal s'opère. Puis c'est sûr qu'il peut y avoir des parallèles qui peuvent être faits entre la discrimination religieuse qu'ont pu vivre, par exemple, les Juifs dans le passé et la discrimination sanitaire qui est sur le point d'entrer en fonction. Dans les deux cas, on sépare la société en deux. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont rétorquer que de faire la comparaison entre la discrimination sanitaire et celle qui a eu cours lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est exagéré, c'est une méconnaissance de l'histoire, c'est de la dramatisation. Mais en même temps, si on continue la lecture de l'article, Madame Bombardier ne procède-t-elle pas elle-même à de la dramatisation dans le sens de mépriser, de tourner en dérision les gens qui s'opposent aux mesures? C'est une question à se poser aussi parce que la polarisation peut aller dans les deux camps aussi. Donc, je poursuis. Samedi, la canicule n'a pas freiné leur rage. Donc là, on les décrit comme des gens enragés. Fait que voyez-vous, là, l'idée de les diaboliser, puis là, il va y avoir d'autres mots aussi péjoratifs pour les décrire tout au long de l'article. Donc, on les décrit comme enragés. Est-ce que c'est fondé de parler de gens qui sont enragés? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autos qui ont été incendiés, de commerces qui ont été détruits, vandalisés. Il n'y a pas eu des policiers qui se sont fait battre non plus. Donc, on parle de gens enragés. Il y en a sans doute qui ont eu des pancartes ou qui ont scandé des mots avec des slogans, mais de l'information que je dispose, l'essentiel de la manifestation était pacifique. Donc, je poursuis. Plus de 15 000 manifestants sont descendus dans le centre-ville de Montréal. Donc, ça, c'est les chiffres du Journal de Montréal. Bien sûr, pendant ce temps-là, j'ai eu des chiffres différents. Donc, j'ai vu des gens sur Facebook, là, je pense entre autres à Samuel Grenier, qui parlait de 50 000 personnes qui étaient présentes sur place. Ensuite, Jean-Jacques Crèvecœur parlait de 125 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Montréal. Donc, qui dit vrai? Ça, c'est une autre question. C'est sûr que les gens qui s'opposent à la manifestation vont tendance à vouloir diminuer le nombre de personnes qui étaient là ou les sous-estimer. Alors que ceux qui en font la promotion, au contraire, peuvent vouloir surévaluer ou tendance à imaginer qu'il y en a davantage. Donc, il peut avoir, c'est sûr, un bris de perception qui entre en ligne de compte. Et cette fois-ci, j'ai trouvé Sage Radio-Canada qui a commenté l'événement. Puis c'est un média de masse. Vous voyez, je suis capable de remettre à César ce qui lui appartient, où Radio-Canada a dit qu'il y avait plusieurs milliers de personnes, mais sans donner de chiffres dans l'article que j'ai lu pour faire la couverture de l'événement. Donc, en donnant pas de chiffres, on est sûr de pas se tromper. Ça, c'est clair. Fait que moi, pour ma part, je donne pas de chiffres. J'ai vu qu'il y avait une marée de monde. J'ai vu quand même des vidéos où il y a plusieurs personnes qui ont été filmées. Par la suite, il est indiqué, plusieurs ont même traîné leur enfant avec eux pour assurer la relève sans doute. Le plus choquant, ce sont les propos orduriers que tiennent ces Québécois errants sur la pandémie actuelle, sur la science en général et inévitablement sur la démocratie dont ils abusent. OK, elle a été choquée par ça. J'ai été choquée par les propos orduriers. OK. Et moi, ce que je lui poserais comme question, sinon vous ne tenez pas des propos orduriers dans le fond, sous la belle couverture d'un vocabulaire solidement élaboré, vont discréditer des gens, donc les gens qui s'opposent aux mesures. Donc, dans un sens, quand on discrédite, que ce soit, peu importe les termes utilisés, il y a comme une volonté derrière ça de polariser. Leur pancarte proclame notamment F, trois petits points, Legault, F, trois petits points, les merdias. Bon, on a pris des gens qui ont utilisé ces mots-là, mais il y en a d'autres qui étaient plus sophistiqués aussi comme pancartes, là. Donc, est-ce que c'était représentatif de l'ensemble des pancartes? Ça pourrait être sujet à discussion. Donc, elle indique qu'ils désacralisent le mot « liberté » alors qu'ils n'ont pas de cesse d'essuyer leurs pieds vaseux sur la liberté de la majorité des Québécois déjà vaccinés qui le servent de paratonnerre contre la COVID-19. OK? Est-ce que, dans le fond, ils désacralisent le mot « liberté » Ça reste à voir. Il y a des gens qui s'expriment, qui manifestent dans la rue. Ça fait partie de la liberté d'expression, d'agir ainsi. Non, je ne vois pas de la désacralisation là-dedans. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont toutes sortes de pancartes et toutes sortes de messages, mais je n'irai pas jusque-là. Ensuite, toutes leurs offensives et leur mépris pour les morts, les malades, pour les familles accablées par ce terreau fléau planétaire nous blesse collectivement. Donc, je poserai la question maintenant, est-ce que les manifestants que vous méprisez en les traitant d'ignares, comme on l'a vu tantôt, d'ignorants, méprisent réellement toutes ces choses? Et moi, je poserai la question, vous, est-ce que dans le fond, vous n'êtes pas en train de mépriser l'intelligence de gens qui étaient présents sur place en les traitant d'ignares? Donc, ça peut aller dans les deux sens, tu sais. Elle va dire, ah, ils méprisent les morts, les malades, gna gna gna. Ben oui, mais... Puis vous méprisez pas les libertés individuelles, le droit à l'expression, le droit à ce qu'il y ait des gens qui n'aient pas la même opinion que vous. Vous voyez? Il y a tout le temps un jeu de polarité. Je vais poursuivre. Sans doute pour une sorte de naïveté ou d'indifférence, nombre de citoyens ignoraient peut-être que le Québec contenait en son sein des énergumènes qui rêvaient de renverser les assises mêmes de notre société tolérante et raisonnable. Et la question se pose, vous, est-ce que vous êtes tolérante et raisonnable dans vos propos? Parce que, dans le fond, moi, j'ai l'impression que vous faites preuve d'intolérance par rapport aux gens non éjectés, là, au fil des semaines à travers vos propos. Puis les gens qui imposent le passeport sanitaire mur à mur à tout le monde, à quelque part, c'est une forme d'intolérance. Donc, vous ne tolérez pas ceux qui ne sont pas injectés. C'est la raison pour laquelle vous voulez imposer la mesure. Qui va mener à une ségrégation sociale bientôt s'il n'y a pas de changement majeur. Donc, est-ce que, par exemple, la personne qui, dans le fond, est pro-choix en matière d'injection est intolérante alors que celui qui cherche à l'imposer ne l'est pas? C'est des questions à se poser, là. Et où? Et du côté d'où l'intolérance? Quand que je vois des commentateurs vedettes de médias qui vont tenir des propos pour diaboliser, culpabiliser les gens qui ne pensent pas comme eux, moi, j'ai l'impression que c'est une forme d'intolérance, ça. C'est drôle. Moi, c'est drôle. Les gens qui m'écoutez, vous ferez votre propre opinion, là, naturellement. Vous évaluerez les choses par vous-même, mais c'est ce que je voulais vous dire. Sinon, je vais poursuivre encore. Les croyances, les préjugés de ces gens sont des années-lumière des valeurs qui ont cimenté notre société actuelle. Et j'ai le goût d'y reporter, du dire, « Et vous? » Vous n'avez pas de préjugés et croyances, Madame Bombardier? Donc, tous vos propos que vous faites, là, pour contester les gens qui s'opposent aux mesures, dans la façon de les présenter, en disant que c'est des gens qui ne sont pas éduqués, des ignorants, comme vous l'avez fait tantôt, et vous, à quelque part, en disant ça, vous n'avez pas des préjugés, parce que, à quelque part, si on dit que tous les gens dans une foule sont tous des ignorants, c'est tous des gens qui ne sont pas éduqués, bien, il peut y avoir des surprises. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient déjà étudié à l'université. Si on pense entre autres à Jean-Jacques Crèvecœur qui a participé à des manifestations, ce gars-là, il a complété un doctorat. Même chose pour Alexis Cossette-Trudel. Et ensuite, Jonas Collin est en train de faire un doctorat. Fait que là, avant de dire que c'est des ignorants, peut-être que vous pourriez prendre un temps là, de réflexion, d'évaluation par rapport aux lanceurs d'alerte. Donc, je poursuis. C'est marqué « Les Maxime Bernier et d'autres psycho-exacerbés et rationnels réussissent à pousser la liberté d'expression démocratique jusqu'à ses limites. En refusant les vaccins, le passeport vaccinal, ils revendiquent au fond le droit de mourir eux-mêmes ou de tuer leurs semblables en les contaminant, et ce, en n'ayant que le mot « liberté » à la bouche. » Et là, c'est sûr que c'est ce qui conclut l'article, puis là, elle nous laisse sur un punch, donc une espèce de phrase « punch » pour marteler le coup, finalement, une espèce de crescendo, un peu comme en musique, quelque chose qui est très fort pour laisser une dernière impression très intense. Fait que là, elle est en train de nous dire que ces gens-là, eux autres, en refusant le passeport vaccinal, ces gens-là vatigueraient le droit là, de tuer leurs semblables. Ça va loin, là. Donc, dans l'intensité dramatique puis l'escalade médiatique, vous voyez jusqu'où ça va là, la diabolisation des gens qui s'opposent au passeport vaccinal. Et c'est sûr qu'il faut se poser la question. Est-ce que le passeport vaccinal empêche réellement la contamination, va diminuer le nombre de cas? Faut que ça reste à voir, là. Moi, j'ai pas eu d'études scientifiques qui ont fait la démonstration. Pour ce qui est d'Israël, qui, eux autres, sont des pionniers à l'international en matière d'injection, où les gens sont massivement injectés 2 doses, puis là, ils commencent la 3e dose depuis quelques jours. Puis il y a eu l'imposition là, du passeport vaccinal. Ben, dans le fond, moi, ce que j'observe par rapport à Israël, qui ont été l'un des premiers peuples là, à mettre en place plein de mesures puis faire l'entrée en fonction là, du passeport vaccinal, ben, c'est que ça n'a pas réglé leur problème. Là, maintenant, où ce que je vous parle, donc on est rendu le 17 août 2021, j'ai regardé les statistiques avant de faire l'enregistrement, le nombre de cas de gens contaminés augmente encore en Israël. Or, les gens sont massivement, en grande quantité, vaccinés 2 doses, dans certains cas 3 doses, et on a remis en place le passeport vaccinal. Donc, le passeport vaccinal avait été mis il y a quelques semaines. Le nombre de cas avait diminué, OK. Puis par la suite, il avait été enlevé. Mais là, la courbe a reparti à la hausse depuis la fin du mois de juillet. Là, ils ont remis en place le passeport vaccinal, des mesures, puis là, il y a une grosse campagne pour l'injection 3e dose. Puis moi, à l'heure actuelle, selon les résultats par rapport à la mise en place du passeport vaccinal, puis ils sont une des premières sociétés qui met ça en place, je ne vois pas présentement de retour sur la mesure dans le sens pour faire diminuer le nombre de cas. Donc, puis là, on s'apprête à adopter le même modèle au Québec. Et moi, j'ai l'impression qu'on va parler d'une injection pour une 3e dose dans quelques semaines. Donc, ça va être la prochaine étape. Puis ensuite, il y aura peut-être une 4e dose, 5e dose. Puis on va nous amener à un abonnement annuel pour l'injection progressivement. Là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Mais on verra bien. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à toute cette polarisation médiatique qui s'opère. Donc, par rapport aux médias officiels, ben, pourquoi qu'ils ont une opinion très opposée à ceux qui s'opposent aux mesures? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à quelque part, eux autres sont financés par le gouvernement. Au Québec, les gouvernements achètent par millions de dollars de la publicité là, dans les médias officiels. Et qu'à quelque part, ils sont redevables au gouvernement. Fait que les journalistes et les dirigeants politiques marchent main dans la main. Puis c'est sûr que les journalistes vont soit poser des questions complaisantes en conférence de presse ou dans des chroniques d'opinion dire les mêmes choses que le discours du narratif officiel du gouvernement. Donc, c'est la pensée unique qui règne ici. Puis cet article que je vous ai fait la lecture dans les dernières minutes et que j'ai commenté en est une belle illustration d'où ce qu'on en est rendu au Québec aujourd'hui, en 2021. Et ça vous montre comment que les choses sont polarisées. Et c'est sûr que, dans le fond, on va parler des bienfaits de l'injection, mais s'il y a des effets secondaires, dans les médias officiels, on n'en parle pas, tandis que quand je regarde les médias alternatifs sur le web, les lanceurs d'alerte, il y en a beaucoup qui parlent de ça abondamment, là, des effets secondaires liés à l'injection. Et à un moment donné, ben on aura à départager les choses. Et c'est sûr que les gens qui font la promotion de l'injection d'une substance, ben tôt ou tard, s'il y a des effets secondaires importants, puis ils nous en parlent pas, puis il y a des gens qui se font injecter cette substance-là sous leur influence, ben quelque part, ils ont une responsabilité par rapport au public, surtout s'ils mettent de la pression. Donc, en ce sens-là, parce que en réalité, toute pression qui est induite contre un individu pour le dominer, lui imposer un agenda, à quelque part, il y a un retour karmique qui se rattache à ça parce que ça va à l'encontre des lois de l'esprit. Donc, c'est en relation avec un comportement qui va chercher à une personne maintenir une ascendance sur une autre. Donc, il y a un rapport qui n'est pas égalitaire, donc un déséquilibre énergétique. Et si ce comportement manque d'ajustement objectivement, bien, tôt ou tard, il y aura un retour énergétique. Donc, autrement dit, si, par exemple, des cas de gens qui ont des effets secondaires, au lieu qu'ils soient présentés avec une certaine objectivité, sans sous-estimer ni exagérer dans les médias officiels, si cet exercice-là n'est pas fait, puis des gens qui ont foi aux médias officiels, puis aux chroniqueurs vedettes, puis boient leurs paroles et les mettent sur un piédestal comme des sauveurs, ben peut-être que si ces gens-là subissent des effets secondaires importants, ben peut-être que ça va les amener à changer de vision ou s'y entendre parler que des gens proches d'eux, comme leurs enfants, subissent des effets importants ou des amis. Ben, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Il y a des gens qui vont se réveiller. Donc, dossier à suivre par rapport à ce qui se passe. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.